En témoigne ici même la tentative d'instaurer un « culte de la raison » ou un « culte de l'être suprême » durant la période révolutionnaire, les positivismes religieux du XIXe siècle, Saint-Simon, Comte, Renan, et le double constat issu de la déchristianisation fait par Nietzsche, une perte de sens en même temps que les points de repère antérieurs avec pour conséquence un nihilisme croissant. C'est ce qu'Émile Durkheim a traduit en ces termes, les anciens dieux vieillissent ou meurent, et d'autres ne sont pas encore nés. À ce moment-là, un nouveau culte était certes en train de s'établir, celui de la marchandise, mais si beaucoup y abandonnaient leurs corps et leur être, tout n'était cependant pas encore touché par cette grâce, il fallait en avoir les moyens, c'est ce que Ford et le capitalisme étatsunien comprendront. Néanmoins, cela aurait été insuffisant pour combler ce trou béant car manquerait alors le « supplément d'âme » que seule la religion ou les croyances sont capables d'offrir. Pour imaginer et comprendre ce qui s'est passé durant ce siècle, ô combien troublé et fondateur que fut le 19e, il serait important, si cela était possible, d'en écrire une histoire totale, englobant celle de toutes les activités humaines et de leurs enjeux. Il serait alors possible de se faire une idée de l'immense engouement populaire pour les sciences et leurs réalisations, en fait, depuis le milieu du siècle, des expositions universelles aux académies, en passant par les cabinets de curiosité, les journaux à grand tirage, les revues, les livres et même les foires et les cafés-concerts où s'exposait la fée électricité, le mode de connaissance scientifique moderne a été établi en tandem avec l'industrie et grâce au soutien des appareils d'État en nouveaux dispensateurs de vérité. Ce faisant, les bases millénaires de la philosophie furent progressivement sapées, malgré une farouche résistance dont le dernier avatar est la philosophie analytique. Cela nous importe, car, avec la foi, c'est ce qui constitue la clé de voûte de toute religion. L'occupation de cette place vacante était d'autant plus nécessaire que la décapitation du roi de droit divin fut inconsciemment vécue comme un triple meurtre à caractère subversif, Dieu le roi le père n'était plus. Au point qu'en 1804 le Code Napoléon consacrera plusieurs centaines d'articles à la restauration laïque de l'autorité du chef de famille. D'ailleurs, le décès de Louis XVIII ou les destitutions de Charles X et Louis-Philippe sonneront comme un rappel du trauma pour une bourgeoisie en deuil et toute de noir vêtue jusqu'à la fin du siècle. D'autre part, la prolétarisation des êtres jetés dans la misère, stigmatisés en tant que classe dangereuse, puis comme représentant un danger de dégénérescence de la race blanche, nécessitait que l'on y trouve un remède, par exemple en lui proposant un opium symbolique, comme l'a déclaré Marx. Curieux, retour de l'histoire, lorsque l'on sait les ravages actuels des opiacés aux États-Unis. Une foi laïque s'appuyant sur une autre trinité science grande industrie état nation avec pour viatique l'instruction la réussite sociale le progrès, sera mise en place sous la IIE République, ce dont les immenses succès littéraires de Jules Verne témoignent encore dans le monde entier, un siècle et demi après leur publication. Abordons la question d'une autre manière, en examinant la place et le rôle de la dite « vérité », dont à présent, nous savons que ça n'existe pas. Remarquons au passage que ce constat lapidaire est en parfaite congruence avec ce que véhicule la notion fourre-tout qu'elle a dite, modernité, plus rien n'est vrai, tout se vaut et à présent, je est un autre. Il n'en demeure pas moins, quoi qu'on en dise, que nous aurons encore et toujours besoin de cette référence à la vérité pour construire un lien social. Les difficultés commencent, en effet, lorsque deux personnes, y compris de même culture, de même langue, n'ont plus aucune « vérité » en commun, ou qu'elles mentent en toute conscience, sans état d'âme. C'est ce que l'on appelle « la culture d'entreprise », qui veut que le sens de la réalité et la vie de ses « collaborateurs » lui soient totalement subordonnés. Il leur faudra alors un certain temps pour reconstruire un univers dans lequel se parler, se comprendre, se mouvoir et éventuellement vivre ensemble. Seul le mode de connaissance scientifique moderne tient bon la barre, il y aurait une vérité scientifique, même si de temps à autre les plus intelligents ajoutent qu'elle est contingente, qu'il ne s'agit pas d'une vérité mais à peine d'une certitude temporaire, restreinte à un domaine et que le doute fait partie de la méthode, etc. ce qui ne les empêche pas pour autant de parader avec sérieux et détermination sur les plateaux médiatiques en enfourchant ce que nous avons appelé « différents régimes de vérité » selon les publics visés et les questions abordées. Comme par ailleurs Margaret Thatcher a provisoirement gagné, c'est-à-dire que, la société, a été déconstruite au profit de monades nomades désespérément en quête d'une identité d'emprunt, le mode de connaissance scientifique est apparu, de fait, comme l'une des dernières clés de voûte assurant un équilibre à l'édifice social, c'est-à-dire au sens des paroles énoncées par tout un chacun. D'ailleurs, les derniers mots censés valider n'importe quel argumentaire sont toujours les mêmes, c'est scientifique. Encore une fois, évitons les quiproquos, ce phénomène ne tire pas sa puissance et son étendue du mode de connaissance lui-même, ni de la volonté divine, c'est la « triple alliance », bien réelle, nouée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui fut le moteur d'une transformation inédite de la réalité sociale. Des phénomènes comme l'ingénierie sociale, apparue au XIXe siècle avec le paternalisme ou l'hygiénisme. Cités ouvrières où le travail, l'école, l'église, les lieux de soins et l'accent aigu habitat étaient conçus des accents aigus un seul tenant. On aurait tort de croire que cette mode est révolue, les start-up financent différentes activités à leurs employés, tout en les réquisitionnant le soir et le dimanche par le moyen des accents aigus une connectivité ininterrompue. Le contrôle et la gestion des masses de prolétaires enrôlés dans les fabriques, puis la gestion statistique des populations par les États, ont conduit à une gestion des foules dans les régimes totalitaires et, depuis l'après-guerre, à ce qui est devenu la gestion des ressources humaines. Mais ce dénombrement acté dans la réalité de tous les jours, c'est une autre manière d'évincer la vérité, à partir du moment où je ne suis plus qu'un numéro au sein d'une société, dont l'essence et l'existence tiennent à l'efficacité et à la productivité de chacun de ses membres, la question de la vérité devient alors hors-jeu, elle est disqualifiée, et à tous les échelons, tous les coups sont permis, voire encouragés. Cela se repère à la répétition des locutions suivantes, à vrai dire, pour vous dire toute la vérité, pour être honnête. C'est précisément cela qui fait de la structuration occidentale de l'imaginaire quelque chose de plus radicalement mortifère que tous les anciens prétextes aux massacres de masse antiques ou coloniaux. En effet, si les gouvernants, les soldats ou les colonisateurs d'antan étaient mus par l'appât du gain et la soif de pouvoir, c'est désormais la vie de tout le monde, partout et sans cesse qui est devenue un calcul, une abstraction, une variable d'ajustement. 6. Un point de théorie critique, réintégrer l'imaginaire lacanien et la psychanalyse dans l'histoire. Il est nécessaire de nous souvenir des définitions du réel et du symbolique abordées en introduction. Pour mémoire, les mots, le symbolique pour simplifier, courent après un réel qui échappera toujours à toute symbolisation. Il y aura toujours un fossé entre ces deux instances, mais le langage est une convention commune qui permet tout de même de nous mettre à peu près d'accord sur ce qu'il désigne. Deux problèmes subsistent néanmoins. D'une part, chacun d'entre nous sur cette terre ne perçoit pas la réalité exactement de la même manière. Par exemple, contrairement aux Kidam des autres latitudes, les Inuits ont une douzaine de mots pour décrire l'état de la neige et presque autant pour la glace. Ce riche champ lexical découle d'ailleurs d'une observation appariée à leurs conditions de vie et transmise de génération en génération. C'est un de leurs savoirs. Mais y compris lorsqu'elles partagent la même culture, l'utilisation du même terme par deux personnes ne recouvre pas, ou pas totalement, le même sens, le même poids, etc. Le langage est dit polysémique car il est en effet indissociablement lié à l'imaginaire de chacun, propre à son histoire personnelle, même si nous partageons une structuration commune de nos imaginaires. Nous pouvons nous figurer l'imaginaire inconscient comme un arbre dont le tronc serait structuré comme indiqué. Restent les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits qui sont propres à chacun. Ainsi, lorsque le constat est dressé qu'une culture ou qu'une civilisation a installé au fil du temps une grande emprise sur la majorité de ses membres au point de leur faire faire des choses étranges aux yeux des autres, c'est que les imaginaires de chacun ont un tronc commun en partage, qu'ils soient animistes, vaudous, polythéistes, confucéens ou autres. C'est d'ailleurs cette structuration majoritaire des imaginaires qui est garante de sa pérennité. Lorsqu'elle se défait, alors, les jours de cette civilisation sont comptés. C'est pour en revenir à la question de la dite « vérité », on comprendra par conséquent que, d'une part, c'est un impossible dont la source n'est pas imputable au mode de connaissance scientifique, mais bel et bien à la relation dernière réelle symbolique imaginaire dans laquelle nous serons pris ad vitam aeternam, qu'on le veuille ou non. Mais il n'empêche, d'autre part, que, la vérité, participe d'une référence indispensable aux rapports humains, a contrario, elle s'en trouverait évidemment congédiée de fait dans une société de psychosés ou dans laquelle la novlangue serait dominante. Il semblerait d'ailleurs que nous fassions de grands progrès dans ce domaine. À ce niveau de l'analyse, il serait d'ailleurs important de montrer en quoi une dynamique orwellienne entrera en synergie avec le nouveau monde algorithmique en cours d'instauration sur l'ensemble de la planète. À défaut de pouvoir le faire ici, nous renvoyons à la publication de deux longs articles à ce sujet. Finalement, bien qu'elle puisse être un tonneau insondable de spéculation sans fin ou le fond de commerce d'une philosophie idéaliste, la dite « vérité », prise en étau entre R et S, trouve son « efficace », comme auraient dit les althusériens d'antan, dans la sphère du langage, donc des relations sociales. L'autre versant important de la question de la vérité, c'est ce que nombre de nos contemporains appellent la « perte de sens », car, en effet, que devient la vérité dans ce maelstrom, dans ce déluge de « données » stockées à grands frais dans les « data centers » ? En référence à ce que nous avons dit plus haut concernant la relation ternaire RSI, nous pouvons à présent avancer que cette perte de sens est le symptôme du fait que le « noge de l'imaginaire et du symbolique » rappelle, une image inconsciente est convoquée derrière chaque mot, se rétrécit, s'appauvrit à cause, précisément, de la structuration desséchante de cet imaginaire par la rationalité calculatrice. En outre, lorsque dans la réalité tout est ramené au nombre, au « objectif », il est évident que ce n'est plus la question du sens, de toutes les activités humaines, qui domine, mais que règne alors le calcul, la rentabilité et l'efficacité économique. Tous les personnels du système de santé l'ont publiquement affirmé, lorsqu'est arrivé le moment où les bureaucraties régionales de santé, AR, furent totalement dépassées par l'ampleur de la pandémie, ils ont alors retrouvé au quotidien dans leurs services hospitaliers, les marges de manœuvre nécessaires pour exercer leur métier comme cela se doit, c'est-à-dire au secours d'une population souffrante et non plus des tableaux Excel. Certains ont même déclaré que malgré le danger, le stress et l'épuisement, ils avaient été heureux de retrouver le sens de leurs engagements humains et professionnels initiaux, depuis trop longtemps bafoués. À ce moment-là, quelque chose a basculé dans leurs imaginaires, comme souvent dans les situations sociales extraordinaires. Chère lectrice, cher lecteur, toi qui lis ces lignes aujourd'hui, imagines-tu à quel point se jouait à ce moment-là dans les services de santé en déshérence et submergés de mort par étouffement, une figure tragique de la dimension de celle que Euripide, Eschyle ou Sophocle ont révélée au monde il y a 25 siècles. Il y a 25 siècles. L'imagines-tu vraiment jusqu'au plus profond de ta conscience, cette dimension tragique ? Imagines-tu par exemple que dans les salles de réanimation tous ces corps hurlaient eux aussi, à leur manière, et dans un silence brisé par le seul allaitement des respirateurs artificiels, y quand t'es brise. En perçois-tu aussi ce troisième écho chez tous ces jeunes qui protestaient quelques mois auparavant contre la dégradation accélérée du climat ? Où que l'on soit, l'atmosphère devient irrespirable, dans tous les sens du terme. Mais qui pourra témoigner de tout cela plus tard, si ce n'est inscrit dans ta mémoire ? Si j'ajoute qu'il s'agissait alors d'un des multiples ravages d'une même machine à briser les êtres, d'un bout à l'autre de la Terre, cela t'aiderait-il à t'en souvenir ? Reprenons, cette structuration singulière de l'imaginaire contemporain le referme sur lui-même et n'irriguant plus les mots de sa défunte fantaisie individuelle, elle appauvrit ainsi tout l'ordre du symbolique. En d'autres termes et pour avancer sur un autre terrain, la sublimation, c'est l'ensemencement créatif des obstacles par l'imaginaire de chacun. Or, dans cette civilisation, elle est génériquement en panne depuis le tournant du XXe siècle, d'où le règne de l'abstraction en art et ailleurs, ce qui n'enlève rien à l'immense liberté créatrice dont Picasso ou d'autres artistes ont su faire œuvre malgré tout. Avec la remarque précédente, nous touchons sans doute ici à un aspect essentiel de cette question car cette structuration de l'imaginaire par la rationalité calculatrice favorise également une forme de névrose obsessionnelle propre à notre époque dans laquelle la valorisation de la valeur peut ainsi tenir une place centrale, ce qui vient étayer en retour le système automate. Le capitalisme est un système automate qui n'a pour seul credo que la valorisation de la valeur. Cette formule abstraite et circulaire résume sa quintessence et rend compte du fait qu'il désubstantialise toute chose, y compris le vivant, dans le but d'en faire une abstraction susceptible de circuler rapidement. Dans ces conditions, on comprendra que les questions de la vérité et du sens soient devenues marginales. D'autre part, cette transgression intrinsèque du vivant nous éloigne quotidiennement les uns des autres, dans la course à l'échalote, c'est à celui qui sera le meilleur, le premier de cordée, primé pour son excellence. Cette concurrence généralisée évacue à tous les niveaux d'échange les préoccupations humaines et morales, ce qui englobe évidemment la question de la vérité. L'effet immédiat et quotidiennement déstructurant de cet imaginaire pouvait auparavant être contrebalancé par un autre rapport au monde, à la terre ou aux animaux, par des traditions populaires paysannes ou villageoises, une vie de quartier, des liens de parenté ou de voisinage élargis, une culture et une création artistique largement partagées ou même une activité politico-syndicale en guise d'exercice minimal de démocratie, etc. À présent, nous nous dirigeons à grands pas vers des rapports interpersonnels qui se dessèchent d'autant que les GAFAM sont en train de les préempter en les marchandisant, ce que les États-plateformes s'empressent de conforter à leur manière. La gestion de la pandémie actuelle en est malheureusement l'illustration en grandeur nature. C'est la raison pour laquelle nous avions avancé par ailleurs l'idée qu'il existe une isomorphie structurelle entre les composantes de la « triple alliance » et qu'elle engendre les mêmes conséquences, à savoir la dissolution des liens sociaux à laquelle s'ajoute celle de leur soubassement matériel, environnement, biens communs et services publics, dans une marchandisation généralisée et fondamentalement mortifère. Deux remarques supplémentaires. À présent, nombreux sont ceux qui manient un type de vérité, statistique, mathématique, algorithmique, qui n'a plus rien de scientifique et dont ils n'ont pas conscience de la chosification abstraite qu'elle induit ou dont ils se défaussent, fût-ce de manière inconsciente. Ce qui est encore plus le cas de ceux qui se réclament des dites « sciences humaines », bel oxymore forgé au XIXe siècle comme Sciences Po a inauguré les « humanités numériques » il y a quelques années. Ce dernier comportement relève de l'archétype « moderne » qui a triomphé lors d'une plongée profonde en apnée morale des chercheurs de Los Alamos au début des années 1940, malgré, ou à cause de, tous leurs titres et prix Nobel. Le nucléaire est ainsi advenu sous l'égide de centaines de scientifiques et avec les moyens des États, de leurs forces armées et des grandes compagnies industrielles, une version aboutie de le « triple alliance » que nous avons proposé de nommer complexe scientifico-militaro-industriel. Ce fut également le début d'une autre époque du capitalisme marquée par sa sinistre radicalisation. La « vérité » est l'un des fondements des échanges humains. Il s'agit de l'une des références de la parole énoncée vers mon prochain. Lorsque cette référence est remise en cause, relativisée ou exclue, alors le complotisme tous azimuts s'installe. À ce moment-là, il ne reste plus que des clans qui, n'ayant plus de base commune, s'affrontent, faute de pouvoir, s'entendre, dans une guerre civile de haute ou de basse intensité à l'image de celle qui est en train de devenir la norme dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. Annexe. 7 mai 1968, la désinstitution profonde et massive de l'imaginaire rationnel calculateur. Résumer en quelques mots ce que fut mai 1968 n'est pas possible. Seules les fictions ainsi qu'un énorme livre de photographies rassemblées 4 décennies après les faits. certains peuvent donner une idée de ce qui s'est produit tant cela a dépassé les consciences et bien sûr les analyses. Chacun était soufflé, subjugué, bouleversé de la tête aux pieds. Les voisins, les passants nous étonnaient et l'on ne se reconnaissait plus soi-même. On ne dormait plus, on vivait au rythme des événements, les discussions allaient bon train et les amours aussi. La marque en fut indélébile. La douzaine de points qui en constituent à notre avis l'essentiel théorique, nous ne faisons que les indiquer à grands traits dans les lignes suivantes. La mise en place. Ce qui a ouvert l'événement, ce fut le défi massif et viol que le mouvement étudiant et la jeunesse ouvrière ont opposé à un pouvoir qui était jusque-là considéré comme indétrônable depuis qu'il s'était doté d'une cinquième constitution présidentielle et d'un prestigieux général élu au suffrage universel. Or, c'est la violence dans la rue qui a fait reculer ce pouvoir fort, avant d'engendrer ce qui restera désormais dans l'histoire comme le plus grand mouvement de grève ouvrière de l'Occident industrialisé de l'époque. À ce moment-là, cet État fort est conçu comme tel, a trébuché alors que même les ordonnances prises contre la sécurité sociale à l'été précédent n'avaient pas entraîné de résistance ad hoc. L'extrême violence à laquelle les jeunes ont eu recours pour protester contre la répression, et peu de temps après, les occupations d'usines parfois associées à des séquestrations, ont suscité un illégalisme de masse que les directions syndicales et politiques se sont rapidement efforcées de contenir, tout comme l'influence politique d'un mouvement étudiant baptisé « gauchiste », alors qu'il était autrement plus diversifié. Tous les lycées, toutes les facultés, de très nombreuses institutions et usines, bref, l'ensemble de la société fut le théâtre d'une expérimentation permanente qui, à un titre ou à un autre, fut la plus grande expérience de « démocratie directe » de toute l'histoire de l'Occident moderne. Comme les assemblées, les commissions, les comités d'action, etc. siégeaient sans désemparer un peu partout, la politisation, notamment de la jeunesse, s'est rapidement étendue puis approfondie. En l'espace de quelques mois, ce fut une école de formation politique sans aucun équivalent. La non-intervention des forces de l'ordre dans les facultés et les lycées, tradition multiséculaire aujourd'hui foulée aux pieds, avait permis des occupations longues puis, à la rentrée de septembre, des assemblées générales régulières dans des amphis réquisitionnés pour quelques heures sans que l'administration s'y oppose. Pendant quelques jours, entre le 26 et le 30 mai, le pouvoir s'est littéralement dissous, évaporé, cela sentait l'affolement et la peur à plein nez, dans les palais de la République, et il n'y avait plus personne dans les ministères. Tous, chefs et directeurs de cabinet, conseillers et larbins encostumés s'étaient envolés comme par enchantement et les fantasmes allèrent bon train. Plus tard, Malraux et Debré, photographiés la main dans la main et encore tout émus sur la place de l'Étoile, furent intimement persuadés d'avoir échappé à un remake de la prise du Palais d'Hiver. Le pouvoir s'était à ce point évanoui que de Gaulle a redouté un moment une décision du Conseil constitutionnel habilité à constater la carence du pouvoir. D'ailleurs, l'interprétation de son escapade à demi-secrète en Allemagne constitue un de ces événements rocambolesques qui n'adviennent que dans ce genre de situation historique et dont l'élucidation demeure encore problématique. D'aucuns assuraient, sur la base de quelles informations, qu'il s'en était allé chercher l'appui de l'armée d'Allemagne dirigée par le général Massu pour mater l'insurrection des Rouges. On a su beaucoup plus tard que, croyant à une deuxième défaite, il avait voulu mettre à l'abri toute sa famille et qu'il avait surtout besoin de s'entretenir avec le dirigeant de la bataille d'Alger, expert dans la lutte anti-insurrectionnelle et gaulliste de toujours. On a également su plus tard que Chirac allait aux négociations de Grenelle avec un pistolet en poche. Nul besoin de courir, le vieux monde avait disparu. Mais voici le principal. Lorsque la vie élémentaire du pays n'est plus assurée, et qu'il est au bord de la paralysie, comme l'a dit de Gaulle le 24 mai, lorsque la quasi-totalité d'une société est arrêtée, qu'elle ne peut plus fonctionner comme avant, alors l'imaginaire de tout un chacun qui, d'ordinaire, était son fonctionnement s'effondre car il n'a plus aucune efficience dans une société bloquée, il en devient même une ineptie. Telle est la seule manière d'expliquer le soubassement de cet enthousiasme politique communicatif, créatif et festif qui s'est répandu à grande vitesse dans l'ensemble du corps social et qui a longtemps survécu à ces quelques mois de révolte, aux grandes âmes des apeurés de tout poil. Le renversement de l'ancien imaginaire structuré par la rationalité calculatrice a retenti comme un formidable coup de tonnerre social, qui s'est rapidement propagé. Sa diffusion a pris les proportions d'un fait social total qui a labouré en profondeur les inconscients. C'est pourquoi il fallait absolument faire en sorte que ce tumultueux fleuve regagne son lit et faire oublier cette dimension exceptionnelle des événements à l'ensemble de la population qui les avait vécus. Les publicitaires, toujours en quête de nouveautés permettant d'emballer la marchandise, furent les premiers à réduire mai 1968 à une « révolution des mûres », ce que l'ensemble des appareils idéologiques allait promptement ressasser pendant des lustres. Cette réduction sémantique et idéologique participe de la réinterprétation bourgeoise de toute révolte ou révolution mise en échec. Par ailleurs, ressasser ad nauseam que mai 1968 fut récupéré, contribue à en masquer la radicalité, mais c'est surtout rester aveugle à ce qui s'est ensuite réellement tramé, à savoir une contre-révolution internationale dont il n'est pas possible ici de détailler les caractéristiques. Comme toujours, la reconstruction idéologique d'un fait historique dérangeant revêt la forme d'une pyramide renversée qui tient sur une pointe de vérité. En réalité, il s'est agi d'une désinstitution profonde et massive de l'imaginaire rationnel calculateur qui est au fondement du capitalisme. Ce sont les tréfonds de cet ordre qui ont alors vacillé, ce que beaucoup sont encore dans l'incapacité de voir, de comprendre ou d'accepter et qui constitue une question politique, théorique et anthropologique majeure. Il y eut une raison supplémentaire au travestissement de ce fait social total, il a participé de l'un des éléments qui permettent de qualifier une situation de pré-révolutionnaire au point de vue historique. Le sourd travail de refoulement. Il est nécessaire de rappeler qu'en 2006, presque quatre décennies après les « événements », un ancien président en campagne électorale, après de nombreux auteurs, se proposait encore d'éradiquer l'esprit de mai 1968 devant des milliers de supporters aux anges. L'effervescence qu'avait suscité ce discours, y compris en dehors de la salle, indique qu'il ne s'agissait pas là uniquement d'une lubie personnelle, mais bel et bien de quelque chose qui était resté en travers de la gorge d'un grand nombre de ses électeurs. À vrai dire, c'est pour l'ensemble du spectre politique sans exception que mai 1968 posa et pose encore problème. Il est patent que la réaction fut à la mesure de l'une des plus grandes trouilles bourgeoises de l'histoire de ce pays. Au fond, ce qu'il s'agit essentiellement de masquer depuis plus d'un demi-siècle, c'est qu'il pourrait se reproduire une destitution massive de l'imaginaire en résonance avec ce capitalisme lorsque les rouages politiques, économiques et idéologiques habituels seront à nouveau et volontairement bloqués. Car c'est là que gît un énorme potentiel de destitution du capitalisme et c'est la raison pour laquelle la place de l'imaginaire s'avère centrale dans la critique radicale. Non que cela soit suffisant, mais c'en est le point de passage obligé et la plupart du temps passé sous silence. Car lorsqu'un ancien monde est volontairement arrêté dans sa course folle vers l'abîme, débute alors une expérience purement renversante qui nous amène à constater au quotidien qu'il est non seulement possible de vivre autrement, mais que, de plus, le goût de la vie, de la beauté et de l'amour revient nous submerger, pour notre plus grand plaisir, parce qu'il a toujours été là, inscrit en nous. Cela nous permet également de constater, summum de la surprise, qu'il en va majoritairement de même chez autrui, ce qui pouvait se lire dans les yeux brillants des passants de tous âges, sur la place de la République et ailleurs, en avril et mai 2016. Cette place fondamentale de l'imaginaire chez tous les êtres humains nous conduit à dire que le « grand soir » demeurera toujours « un horizon de haute nécessité », comme l'aurait écrit Édouard Glissant. Mais, contrairement à ceux qui en souhaitent l'obsolescence en pointant à juste titre sa fétichisation passée, il sera plutôt nécessaire d'en entretenir la flamme durant des années, car destituer un système dont l'imaginaire a été intériorisé depuis plusieurs siècles ne se fera pas en un seul soir, d'autant qu'il sera compliqué de rebâtir sur le terrain des ruines empoisonnées qu'on nous a léguées, de nombreuses nuits seront nécessaires, qu'on les passe debout ou non. tous les manques de l'analyse rapidement pointée ici, constituent l'héritage, non élucidé à ce jour, de la profonde déconfiture intellectuelle issue de « la guerre de 30 ans », des effets du stalinisme dominant à ce moment-là, des guerres coloniales qui perduraient, de l'importation des idéaux consuméristes qui ont débarqué avec les plans Marshall dans tout l'Occident, puis de la contre-révolution internationale qui a débuté sous l'égide néolibérale au début des années 1970. Cette déconfiture intellectuelle se reconnaît, entre autres choses, à la méconnaissance persistante des régressions anthropologiques induites par la guerre de 14 à 18, à l'incompréhension des ressorts de la dimension universellement tragique d'Auschwitz-Birkenau, à la dénégation de la plongée en apnée morale profonde qu'exigeait l'invention de la bombe atomique de la part du gratin des scientifiques de Los Alamos, ou à celle de la rupture dans l'histoire de la Terre, du vivant et du capitalisme. Auschwitz et Hiroshima ont introduit. Le fait que Sartre et Heidegger tiennent encore aujourd'hui le haut du pavé, et pas seulement dans les milieux académiques, constitue malheureusement la preuve irréfutable de cette déconfiture intellectuelle. Un texte de Jean-Marc Royer, chapitre d'un manuscrit en cours. Février 2021. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.